Bonjour à tous, c'est Papy José. Bienvenue sur cette nouvelle émission de Y a des choses à dire, une autre vision de l'handicap visuel. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission de Y a des choses à dire qui sera consacrée à nos amis de quatre pattes, les chiens guides. Pour ça, j'ai invité deux personnes, sans doute les deux personnes les plus importantes pour un chien, pour qu'il devienne un très bon chien guide, à savoir une famille d'accueil, Renaud, bonjour. Bonjour. Et l'éducateur de chiens, Dominique, bonjour. Bonjour. Alors cette émission va se dérouler en deux parties. Première partie, on va plutôt s'étendre sur l'aspect éducation du chien. Première sous-partie, l'éducation, j'allais dire primaire. Il faut que le chien s'adapte à la société, qu'il fasse ses premières, qu'il obéit, voilà, tout simplement. Et aussi qu'il apprécie son environnement, qu'il puisse le découvrir. Deuxième partie, donc, ça sera la partie plutôt éducation technique. Il faut que le chien devienne autonome pour devenir un bon chien guide. Après une pause musicale, la seconde partie sera consacrée à la vie active du chien et on terminera avec sa retraite. Pour commencer, donc, en parlant d'éducation, je vais donner la parole d'abord à Renaud pour qu'il se présente un peu et puis Dominique suivra derrière. Renaud, je vous écoute. Oui, donc moi je suis famille d'accueil pour chiens guides. En tout cas, on travaille avec l'école des chiens guides de Wapi. Et nous faisons ça depuis maintenant, avec ma femme bien sûr, depuis 4 ans, je vais compter un peu comme ça, c'est notre quatrième chien actuellement, Valco, que nous avons en éducation. D'accord. Maintenant Dominique, à vous, vous êtes le spécialiste des chiens guides. Le spécialiste, oui, c'est un bien grand mot. Alors moi, ça fait 10 ans, bientôt 11 ans que je suis à l'association des chiens guides d'aveugles. Et effectivement, donc j'ai démarré comme moniteur, donc pour l'éducation des chiots. Et aujourd'hui, je suis devenu responsable technique depuis quelques mois. D'accord. Alors la première chose, moi, qui m'interpelle, une explication que j'ai besoin d'avoir, ces chiens, ils viennent d'où? Parce que tous les chiens ne sont pas en capacité d'être chiens guides. Donc je suppose que vous avez des éleveurs consacrés. Est-ce que Dominique, vous pouvez m'expliquer ça un peu? Oui, bien sûr. Alors, nous avons ce qu'on appelle le REF, le réseau des élevages de la fédération. Il faut savoir que nous, on fait partie d'une fédération, la Fédération française des associations de chiens guides, qui est basée à Paris, le siège social. Et cette fédération possède 3 élevages. Il y a l'école de Paris qui possède un élevage, l'école d'Angers et on a le CZK qui se situe à Lezoux, à côté de Clermont-Ferrand, qui possède également un élevage. Les personnes, monsieur et madame tout le monde, ne peut pas aller acheter de chiens dans ces élevages-là. C'est des chiens qui sont uniquement sélectionnés pour leur génétique et pour leur comportement. Donc c'est des élevages spécialisés pour se donner toutes les chances pour qu'ils deviennent des futurs chiens guides d'aveugles. Alors je suppose qu'il y a déjà en quelque sorte un tri qui se fait chez l'éleveur pour avoir le bon chien guide. Pour avoir non pas le bon chien guide, parce qu'il n'est pas encore chien guide, hein, tout simplement, un bon candidat, j'allais dire. C'est ça, il y a déjà tout un travail qui est fait sur la génétique et sur le comportement pour se donner le maximum de chances pour que le chien aille au bout. Alors ça, c'est la grosse majorité de nos chiens viennent de ce réseau d'élevage. Et ensuite, on peut ponctuellement également aller chercher des chiens dans d'autres élevages particuliers, enfin privés, on va dire. Mais ça va pas être la majorité de nos chiens. Alors, on dit que les chiens guides sont essentiellement des labradors, mais il y a également les golden retrievers, ou il y a les bergers allemands. J'ai déjà vu un berger allemand chien guide. Oui, tout à fait. On va dire qu'environ 90% des chiens vont être des labradors. On peut aussi trouver des bergers allemands, des golden retrievers, du caniche royal, ça c'est beaucoup plus rare. On peut également avoir du croisé golden retriever caniche ou labrador caniche, mais la grosse majorité reste le labrador. Alors vous-même, est-ce que vous intervenez dans l'élevage? Est-ce que vous allez voir les chiens? Est-ce que vous dites, tiens, celui-là, il peut être très très bien pour sa vie future? Ou c'est l'éleveur qui vous dit, ça y est, j'ai un chien qui est prêt, venez le chercher? Alors en fait, non, nous, par rapport au réseau des élevages, on fait notre demande de chiens, de totalité de chiens pour l'année. Et eux, ils vont les dispatcher, en fait, tous les mois, tous les deux mois, en fonction de nos demandes. Quand c'est des chiens du réseau des élevages, on ne voit pas les chiens, parce que le travail est déjà fait, en fait, chez eux. au niveau de la sélection, au niveau du travail, et eux vont dispatcher les chiens dans les différentes écoles de chiens guides qui en font la demande. Si c'est un élevage extérieur, alors dans ce cas-là, oui, on se met en relation avec l'éleveur et on peut aller à l'élevage là pour choisir nos chiots, qui, ceux qui pourraient en tout cas être candidats pour devenir des futurs chiens guides d'aveugles. Alors là, on va dire que ça dure 2 mois. Ensuite, Renaud, vous arrivez, vous, en tant que famille d'accueil. On vous remet le chien, vous ne choisissez pas le chien évidemment. C'est Voipi qui vous contacte en vous disant j'ai un chien, est-ce que... Bon, ils savent quand vous êtes disponible par définition. Là, vous avez un chien, vous disiez tout à l'heure. Oui, oui, tout à fait. Donc, nous, on est référencés en tant que famille d'accueil. Et selon les besoins, selon aussi la période, on peut nous demander, en disant, bah voilà, on va avoir un arrivage de 2, 3, 4 chiens. Est-ce que vous seriez prêt donc, à suivre un de ces chiens pendant sa première période d'apprentissage, de ces 2 mois jusqu'à peu près 10 mois, 1 an. Et à ce moment-là, si on accepte, on s'engage sur cette période à accueillir un chien et à lui donner les premières bases, on va dire, de l'éducation. Alors qu'on soit bien d'accord, vous avez un seul chien. Alors, on a un chien de l'école des chiens guides, oui. Oui, non, je veux dire par là, vous éduquez, entre guillemets éduquez, un chien, pas deux. Non, on peut... éduquer deux chiens en même temps, ça peut être... C'est compliqué, bien sûr. Ça peut devenir compliqué. Parlez-moi un peu de votre rôle, j'allais dire, de votre mission, quelque part. C'est une mission, quand même, parce que accepter un chien pendant 12 mois, une fois qu'il est prêt, il part. C'est compliqué. Si vous faites ça, c'est que, évidemment, vous aimez les chiens, ça c'est certain, mais qu'est-ce que vous en tirez, vous? Oui, alors, il faut savoir que quand on est arrêté dans la rue et que on a le chien avec le dossard et qu'on les gens sont curieux, on leur explique les choses, c'est 100% des cas, la première réaction qu'on a, c'est ah, ça doit être quand même être dur de l'abandonner au bout de 10 mois. Alors, faut savoir que c'est pas un abandon, on suit quand même le chien tout au long de son éducation, et puis on fait ça pour une bonne cause à la base. Puis on a un chien personnel aussi à côté, bon, je pourrais y revenir un peu après, mais on a aussi notre propre chien, et donc il aide. Un labrador ? Un labrador de l'école des chiens guides qui a été réformé, alors paradoxalement pour un problème de vue, et donc on a décidé de l'adopter parce que c'est un chien qui était parfait sous tout rapport, et aujourd'hui il nous aide à sa manière à former aussi les jeunes chiots, puisqu'il leur apprend, il apprend en tout cas les premiers réflexes, demander la porte pour sortir. C'est un chien qui a passé pratiquement, il n'est peut-être pas encore au stade de l'éducation technique, puisque s'il a des problèmes de vue, vous l'avez vu vous-même dès le départ peut-être, non ? Oui, bien sûr, quand les chiens, tout au long de leur formation, en tout cas, les chiens suivent en tout cas des examens médicaux. Et en fait, on a décelé un problème chez lui. On ne savait pas forcément si c'était un problème dégénératif ou un problème lié à l'âge. Au final, il s'est avéré que les résultats n'étaient pas suffisamment concluants pour se permettre de continuer l'apprentissage du chien pour devenir chien guide, parce que c'est... Je pense que Dominique en parlera peut-être un peu après. Mm-hmm. C'est un procédé qui est très long et qui peut être coûteux. Et donc, en fait, à un moment donné, il faut prendre des décisions aussi parfois difficiles. Alors, on a vu un peu tard, pour être franc, parce qu'en fait, cet examen-là n'est réalisé qu'au 1 an du chien. Donc, en fait, on s'est rendu compte à ces 1 an qu'il avait effectivement ce problème de santé au niveau de la vue. Ouais. D'accord. Je reviendrai après avec vous, Dominique, pour l'aspect technique. Je voudrais juste... terminer cette première partie de la première partie, c'est-à-dire consacrée à l'éducation primaire. Vous avez une méthode pédagogique, vous avez, comment ça passe ? C'est vous qui inventez ou vous avez été formé vous-même pour être... Alors non, bien sûr, on est suivi. Donc c'est notre 4e chien aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on a appris les bons réflexes, appréhender les situations. Enfin, on sait aujourd'hui comment procéder pour... développer un petit peu l'éducation du chien au mieux pour qu'il devienne chien guide par la suite, en tout cas qu'il suive la formation. Mais au début, bien sûr, on est encadré, on a des rendez-vous toutes les semaines où on fait des sorties pour voir comment le chien évolue en ville, dans une gare. Enfin voilà, l'idée c'est de désensibiliser un maximum le chien, donc c'est vrai qu'on est très suivi pendant les premiers pas du chien. Si on... Et donc, après 10 mois, 12 mois, Dominique, vous récupérez le chien, même si je suppose que vous avez déjà des visites régulières avec ce chien, vous voyez son comportement, son évolution. Donc, quand vous le reprenez, il reste encore dans la famille d'accueil le temps où vous allez lui apprendre toute la technicité, ou il est chez vous dans un chenil, à Voipi ? Les deux. Il va quitter sa famille d'accueil, pour plusieurs raisons, en fait, parce qu'on a besoin de voir, voilà, il a un comportement dans sa famille d'accueil, mais et comment il va se comporter quand on va le changer, en fait. Donc, on a besoin, nous, de le changer de famille. Il faut aussi créer le détachement, que ce soit de la part du chien ou de la part de la famille d'accueil, et surtout voir est-ce que le chien est capable de recréer un autre lien d'affection avec, avec d'autres personnes. Donc, en fait, le chien va changer définitivement de famille. Il sera en famille week-end. Donc, il va passer la semaine à l'association. Le week-end, il ira dans sa famille. Et en semaine, il ira au box. Maintenant, si on a des chiens qui ne supportent pas le chenil, ce qui peut arriver, on a des familles soir et week-end. Donc, dans ce cas-là, le chien, il fait sa journée de travail. Il rentre dans sa famille le soir. Le lendemain matin, il revient à l'association, et etc. Alors, et quand vous dites sa famille, ce n'est pas la famille d'origine, c'est une autre famille. La famille d'accueil, c'est vraiment une famille week-end spécifique. D'accord. OK. Alors, vous. En tant que technicien, expliquez-moi un peu comment vous faites pour que ce chien devienne parfait pour le guidage. Alors, le chien parfait n'existe pas, mais on va essayer de le rendre le plus parfait possible. Oui, oui. On va beaucoup travailler, nous, en positif et à la récompense. C'est aussi pour ça qu'on a des labradors, parce que le labrador étant très gourmand, quand il va faire une action et qu'on va le récompenser, il va avoir tendance à la refaire. C'est vrai, je me souviens, enfin, je vous interromps deux secondes. Oui, oui. J'ai eu l'occasion d'aller à Wapi pour faire une visite, visite justement du centre et puis voir un chien guide. J'avais le chien guide le matin avec l'éducateur. Il avait une pile de bonbons ou de gâteaux, je ne sais pas quoi, dans sa poche et sans arrêt, il était récompensé comme ça. Ouais. Alors, l'idée, c'est surtout au début du travail, effectivement, on va énormément récompenser. Derrière, l'idée, c'est pas que la personne déficiente visuelle se promène avec 3 kilos de croquettes sur Évidemment. Elle pour récompenser à chaque fois, parce que sinon, ça serait pas gérable. Mais en tout cas, nous, ce qui est hyper important, c'est de donner envie au chien de travailler. Le labrador, lui, ce qu'il aime essentiellement, c'est la nourriture. Alors, on peut aussi travailler avec des jeux. Mais on va donner au maximum l'envie au chien de travailler, c'est super important. Un chien qui n'aura pas envie de travailler, nous en tant que voyant, on va pouvoir, alors, entre guillemets, l'obliger, parce que si à un moment donné il n'a pas envie, on peut reprendre la main. Alors qu'avec une personne déficiente visuelle, au moment où le chien n'a plus envie de travailler, ça devient vite compliqué. Donc, c'est super important de lui donner envie de le faire. Alors l'apprentissage est progressif, je suppose. On commence par quoi ? Alors, les premiers exercices qu'on va lui faire, lui apprendre, en fait, tout simplement, c'est le devant. Et le devant, et même le tout premier, avant ça, même, c'est de mettre la tête dans son harnais de guidage. Il doit mettre la tête tout seul dans son harnais de guidage. Ensuite, ça va être le devant, et puis, rapidement, on va lui apprendre les lignes. Alors, nous, ce qu'on appelle les lignes, c'est les passages piétons. D'accord. Donc ça, c'est vraiment le tout début d'apprentissage, ça va être ces trois exercices-là. Donc, lui, il revoit toujours ses passages piétons. Alors, une chose qui m'interpelle toujours avec ces chiens guides, c'est qu'on leur apprend à désobéir. Qu'est-ce que c'est la désobéissance, pas positive Ça va être la désobéissance intelligente, je ne sais pas. Intelligente, si vraiment, voilà, tout à fait, c'est ça. Vraiment un terme. En fait, c'est en situation de danger. Par exemple, si la personne, on imagine sur un quai de gare, la personne est un petit peu désorientée, elle demande à son chien d'avancer, mais vers le vide, vers le quai. Dans ce cas-là, le chien, lui, va avoir obligation de refuser cet ordre-là et de l'indiquer, par contre. Donc, il va d'abord proposer droite-gauche, il va refuser d'aller devant. Si vraiment la personne insiste pour que le chien aille au niveau du vide, au niveau du quai, dans ce cas-là, nous, on va apprendre au chien à se coucher. Et là, la personne, elle sait, parce qu'on va aussi la former, elle sait que, à ce moment-là, il ne faut pas y aller. C'est franchement passionnant. On va durer encore mais deux fois plus longtemps avec vous, mais il est temps de faire une petite pause musicale et ensuite on va passer à la partie la vie active du chien. Mon ophtalmo me l'avait conseillé, pourquoi pas un chien pour te guider? L'idée m'a bien sûr traversé, mais je n'étais pas prêt. Ni assez motivé. C'est vrai que j'ai quand même été tentée, mais je n'étais pas sûre de pouvoir m'en occuper, car ils sont exigeants. Ces gros bébés, par tous les temps, il faut les prendre. Yeah. Bien, cette petite pause musicale est évidemment un petit clin d'œil pour les chiens guides, et puis la Cantempus, on en parlera dans une autre émission. Oui, c'est moi qui l'ai écrite, et puis voilà, on va passer temps là-dessus. Revenons aux chiens guides. Pour les chiens guides, nous en arrivons à la phase vie active. Dominique, le chien, c'est vous qui l'éduquez, et d'un autre côté, il y a des gens qui se sont inscrits pour obtenir ce chien guide. Comment ça se passe? Vous rencontrez les personnes ou c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe? Alors déjà, l'éducation du chien va durer 9 mois environ, j'en avais pas parlé tout à l'heure. Alors effectivement, avant d'avoir un chien guide, il va y avoir quand même tout un processus. Il va falloir faire une demande de chien guide d'aveugle, donc pour ça il faut contacter l'association. Il y aura tout un dossier qui va être envoyé à la personne, une visite à domicile. Pour voir un petit peu le projet, les déplacements que le chien aura à faire. Son environnement futur. Environnement futur. Et ce qui va être important aussi, c'est que il va quand même y avoir des conditions pour avoir un chien guide. Il faut avoir des déplacements, il faut en avoir besoin. Il faut être capable de se déplacer de manière totalement autonome à la canne blanche. Le chien ne va pas, enfin, ça va être une aide supplémentaire en fait. Donc il faut garde déjà... toujours la canne avec le chien. Oui. Alors. La canne peut être rangée dans le sac, on ne va pas utiliser les deux en même temps, mais il faut être capable de pouvoir se déplacer également avec la canne blanche de manière autonome, parce que si pour une raison X ou Y, le chien n'est plus capable de guider, la personne doit être capable aussi de reprendre la main. De reprendre la main, oui. Et de la même chose, le chien n'étant pas un GPS, c'est la personne en fait qui va dire au chien là où il doit aller. Donc, quand elle arrive à une intersection, c'est la personne qui va dire au chien si... À gauche ou à droite. À gauche, à droite ou traverse, et traverser en sécurité. Donc, ça veut dire que la personne doit être aussi capable d'analyser un carrefour, un sens de circulation et de savoir quand est-ce qu'elle peut traverser en sécurité. Alors, il y a toutes les applications qui permettent de faire ça. Là, encore une fois, on aura l'occasion d'en reparler dans une autre émission. J'avais déjà un peu abordé le sujet dans l'émission précédente. Donc, ce chien, il doit faire... une seule personne, si j'allais dire, j'ose dire, avec son futur maître. Oui. Comment on le choisit? Parce qu'il y a des chiens qui sont plus ou moins rapides, ils ont plus ou moins de caractère. C'est ça. Vous avez un psy, je crois, qui doit s'occuper de ça, non? Bah, vous avez déjà en partie répondu à la question. Effectivement, nous, on va choisir en fait à quelle personne déficiente visuelle on va remettre le chien quand le chien est en fin d'éducation, quand on sait déjà les capacités, les compétences qu'il va avoir. Tous les chiens ne sont pas égaux. Il y a des chiens qui vont être des super chiens qui sont capables de se débrouiller dans des environnements très différents. Et à l'inverse, on a des chiens qui vont être à l'aise sur du très routinier, sur un ou deux parcours. Et on a ce même profil de personnes déficientes visuelles. On a des personnes qui vont faire un, deux, trois parcours essentiellement. Et on a des personnes qui voyagent partout, quoi, qui vont même dans des endroits qu'ils connaissent pas. Ouais, ouais, bah voilà. Ça, j'en connais. Ouais, et, ouais. et donc, on va effectivement essayer de créer une équipe. Nous, on parle d'une équipe. Le binôme chien-guide, maître-chien-guide, on appelle ça une équipe. Donc, on va essayer de faire en sorte que ça matche le mieux par rapport à la taille aussi. On a des petits chiens, des grands chiens. Au niveau des personnes, c'est la même chose. Des gens qui marchent vite, qui marchent lentement. Le tempérament du chien, le caractère aussi. Il y a des chiens qui sont très pot de colle, d'autres qui le sont un peu moins. Donc, nous, on essaye de faire l'équipe qui va nous sembler la plus appropriée possible. Bien, donc les deux se retrouvent, hein, le chien et puis le maître, et ils vivent, j'allais dire, leur petit bonhomme de chemin, et puis des fois, il arrive des petits soucis. Alors, j'ai préparé un petit clip audio qui va en parler, on en parlera allez, deux minutes après. On lance Bonjour le clip. Sam. Aujourd'hui, on explore ensemble le monde fascinant des chiens guides d'aveugles. On va regarder leur parcours, leur rôle, et puis aussi les difficultés qu'ils rencontrent, notamment pour accéder à certains lieux. Bonjour. Oui, c'est un sujet essentiel. Ces chiens, ce sont vraiment des partenaires de vie qui redonnent autonomie et sécurité. C'est bien plus qu'une aide, c'est un lien très fort qui se crée. Et tout commence très tôt, n'est-ce pas? J'ai vu qu'il y a des écoles spécialisées, comme la Fédération française des associations de chiens guides ou Chiens guides de l'Est, qui font une sélection très pointue des chiots. Exactement. Souvent des labradors, des golden retrievers. Des races choisies pour leur caractère, leur calme, leur intelligence. Et après cette sélection, il y a une étape clé. La famille d'accueil. C'est ça. Pendant environ un an, le chiot apprend les bases de la vie en société, la propreté, l'obéissance simple. C'est fondamental pour la suite. Une étape de socialisation, en fait. Et ensuite, la formation plus technique commence. Voilà. Ça dure plusieurs mois dans les centres de formation. C'est là qu'ils apprennent vraiment le métier de guide. Éviter les obstacles, trouver un passage piéton, indiquer une porte. C'est un travail long et coûteux, d'ailleurs. On parle parfois de plus de 20 000 euros par chien. Ah oui, quand même. Et j'ai lu quelque chose d'assez incroyable, la désobéissance intelligente. Vous pouvez nous en dire plus? Ça m'a marqué. Ah oui, c'est peut-être l'aspect le plus bluffant. Le chien apprend à obéir, bien sûr, mais il apprend aussi à refuser un ordre si celui-ci met son maître en danger. Par exemple? Ben, par exemple, le maître demande de traverser, mais une voiture arrive, même silencieuse. Le chien, lui, va refuser d'avancer. Il prend l'initiative pour protéger son maître. C'est ça la désobéissance intelligente. Il n'est pas juste un exécutant. C'est fascinant. Ça montre bien le niveau de partenariat, de confiance. Tout à fait. Un vrai copilote de vie, comme on dit parfois. Et c'est là que ça devient vraiment, vraiment interpellant. Quand on lit les témoignages dans La Dépêche, sur France 3, des personnes qui se voient refuser l'entrée d'un magasin, d'un restaurant, d'un taxi avec leur chien guide, c'est incompréhensible, non? C'est non seulement incompréhensible, et très blessant pour les personnes, on imagine le sentiment d'humiliation, d'exclusion, mais c'est surtout illégal. Illégal, ouais, carrément. Absolument. La loi du 11 février 2005 est très claire là-dessus. Elle garantit l'accès des chiens guides, d'aveugles et d'assistance, tenus en laisse avec leur harnais, à tous les lieux ouverts au public, transport, commerce, services, partout, sans frais supplémentaires. Donc refuser l'accès, ce n'est pas juste, pas sympa. C'est un délit. Précisément, le défenseur des droits le rappelle régulièrement. C'est une discrimination. Si l'on rattache cela à une perspective plus large, c'est une entrave à la liberté fondamentale d'aller et venir. Et ça peut être sanctionné. Il y a eu des cas de condamnation ? Oui, oui, les sources juridiques le montrent. Des responsables d'établissements ont été condamnés à payer des amendes, parfois assez lourdes, suite à des refus d'accès. Ce n'est pas anodin. Mais alors, pourquoi ça continue, si la loi est claire et qu'il y a des sanctions ? C'est juste de l'ignorance ? En grande partie, oui. Une méconnaissance tenace. Beaucoup de gens voient encore le chien guide comme un simple animal de compagnie. Or, en service, avec son harnais, ce n'est pas un animal de compagnie. C'est qu'une aide technique. Exactement. Une aide technique indispensable à la mobilité et à l'autonomie de la personne, au même titre qu'une canne blanche ou un fauteuil roulant. Personne n'imaginerait refuser l'accès à quelqu'un en fauteuil, n'est-ce pas ? Évidemment. Eh bien, pour le chien guide, ça devrait être pareil. Il y a un énorme besoin de pédagogie, de sensibilisation, comme le souligne l'Association nationale des maîtres de chiens guides. Informer le public, les professionnels. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie, au fond ? Ça veut dire qu'on a des chiens exceptionnels, formés pendant des mois, un cadre légal qui les protège. Et pourtant, la réalité sur le terrain est encore difficile. C'est un peu ça, oui. Pour résumer, ces chiens sont des alliés incroyables, essentiels à l'autonomie de milliers de personnes. Leur accès partout, ce n'est pas une faveur qu'on leur fait, c'est un droit. C'est même une obligation légale et, je dirais, morale pour une société qui se veut inclusive. Et ça soulève une question importante pour finir, je trouve. Comment on fait pour réduire cet écart, parfois immense, entre le droit, ce que dit la loi sur l'égalité, et ce que vivent réellement les gens au quotidien ? Ces refus, cette ignorance, qu'est-ce qu'il faut faire, collectivement, pour que l'inclusion ne soit pas juste un mot dans un texte de loi, mais une réalité vécue ? C'est une vraie question, je crois. Évidemment, ça n'arrive pas souvent, j'espère en tout cas. Renaud, ça vous est déjà arrivé, déjà, avec le chien, d'avoir des soucis avec des personnes ? Oui, alors c'est pas quelque chose de fréquent, mais effectivement, ça nous est déjà arrivé. Après, voilà, on s'arrête, on explique un petit peu de pédagogie, les gens comprennent. Si les gens comprennent pas, à ce moment-là, on sort l'article de loi en leur disant « c'est la loi ». On n'est jamais allé jusque-là, hein, mais effectivement, en général, au bout de 2-3 minutes de discussion, les gens nous disent « ah ouais, d'accord, pardon, j'avais pas vu le gilet, vous pouvez y aller, bonne journée ». Enfin voilà. Donc vous avez encore l'habitude de répliquer, hein, Dominique, c'est pareil, mais à votre connaissance, est-ce que c'est déjà arrivé à des non-voyants de se faire... Moi, j'en ai entendu hein, dans des taxis, le taxi ne voulait pas les prendre, par exemple. Oui, alors c'est vrai que dans les... Alors ça reste très très rare, hein, voilà. Les taxis, je pense que c'est là où encore il y a le plus de refus et où il y a le plus de travail de pédagogie à faire, je pense. Après, en magasin, que ce soit les familles d'accueil avec les chiots ou les personnes déficientes visuelles, j'ai pas entendu dernièrement, en tout cas, de refus d'accès. Heureusement, d'ailleurs. En tout cas, j'espère que ce petit clip audio sera entendu par les personnes qui jusqu'à présent, ont refusé les chiens. J'espère qu'ils comprendront ce qu'ils risquent. Nous sommes donc dans la phase active du chien. Dominique, vous allez voir régulièrement, je suppose, ces chiens, le maître, comment ça se passe, comment ils se comportent. Oui, tout à fait. En fait, on remet pas le chien et puis juste bon bah ok, on se revoit. Vous nous rappelez quand il est mort et puis on vous en donne un autre. Non, c'est absolument pas comme ça que ça se passe. En fait, nous on voit les personnes déficientes visuelles au moins une fois par an. Alors sachant qu'au début, juste après la remise, on va les revoir régulièrement au bout d'un mois, 2 mois, 6 mois, etc. Et ensuite, c'est au minimum une fois par an. Ce qui va nous permettre de répondre aux problématiques qu'ils pourraient rencontrer, de voir aussi comment l'équipe se comporte. Est-ce que le chien va bien, va pas bien? Est-ce que la personne est en difficulté avec le chien ou pas? Et ça va nous permettre aussi, dans le même temps, on envoie un dossier médical qui doit être rempli par un vétérinaire. Et là, le suivi annuel plus ce dossier médical vont à un moment donné nous faire prendre la décision de la mise à la retraite. Du chien. Je crois que vous vouliez aborder le sujet. On va en parler, mais juste avant la retraite, je voulais vous poser la question. Est-ce qu'il est déjà arrivé qu'un chien et son maître ne s'entendent pas et que vous soyez obligé de les séparer ? Alors oui, malheureusement, ça peut arriver. Ça peut arriver parce que... Alors, c'est pas forcément parce qu'ils ne s'entendent pas, mais on peut avoir des chiens qui... Je vous disais, le chien parfait n'existe pas. Et malheureusement, malgré toute l'éducation qu'on peut mettre dessus, des fois, ça peut arriver. Heureusement, de la même manière, c'est très très rare qu'un chien, au final, une fois qu'il est avec la personne déficiente visuelle, ait du mal de travailler. Et l'idée, c'est pas de rajouter de la galère à la galère. Et il peut nous arriver, effectivement, de reprendre le chien. C'est jamais quelque chose de facile, ni pour nous, et encore moins pour la personne déficiente visuelle qui en a besoin. Mais c'est des choses qui peuvent arriver, oui. Et ce chien est redonné à une autre famille ou il est reformé? Alors tout dépend. Si on a la possibilité de, on va déjà évidemment retravailler le chien pour voir si où on en est et ce qu'on peut faire avec. On peut éventuellement le reproposer ou le dernier en date que j'ai en exemple, c'est un chien qu'on a été obligé de retirer malheureusement et on l'utilise nous en, alors utiliser c'est pas forcément le mot, mais en chien de stage. C'est-à-dire que c'est un chien qui est formé. Nous, quand les personnes font une demande de chien guide ou une demande de renouvellement, elles viennent systématiquement à l'association et on va les mettre derrière un chien guide éduqué ou en cours d'éducation. Et ça va nous permettre, bah, pour une nouvelle personne, qu'elle se rende compte un petit peu du déplacement avec le chien, comment ça se passe. Et pour une personne qui fait une demande de renouvellement, de voir, voilà, avec un chien différent, comment est-ce qu'elle va s'en sortir. Ah, on essaie de valoriser quand même le travail qui a été fait et on ne va pas le réformer, mais il va avoir un autre, il va avoir une autre fonction en fait, au sein de l'association. C'est facilement, hein. Franchement, tout est prévu. Et la phase finale, la retraite du chien, la phase finale, le bon moment pour lui. Je suis en retraite moi-même, donc le chien, il doit aussi en retraite. Alors, c'est sûrement un bon moment pour le chien. Il est forcément beaucoup plus difficile pour la personne déficiente visuelle parce que c'est... Voilà, c'est plus qu'un chien, hein. C'est évidemment, c'est un chien guide, mais c'est aussi un lien social, c'est vecteur de lien social, c'est un partenaire. Et donc nous, dans tous les cas, à 10 ans, si le chien est en bonne santé, à 10 ans, on va le mettre à la retraite. Ça peut être plus tôt si on sent que le chien a des problèmes de santé, mais en tout cas, 10 ans maximum, le chien est en retraite. Et donc, c'est le maître qui le garde, une fois sur deux, j'avais vu quelque part. Et puis ensuite, ça peut être éventuellement repris par la famille d'accueil initiale, Renaud, non? C'est pas le cas? Alors, je ne sais plus si la règle s'applique. Nous, en fait, on n'est pas allé jusque-là, parce que c'était le chien qu'on avait en éducation qui a été réformé avant même de pouvoir devenir chien guide. Et en fait, on nous a proposé de l'adopter. Bien sûr, on a accepté. Mais effectivement, oui, je crois que c'est la règle, c'est d'abord la famille d'accueil. Renaud est encore trop jeune dans l'association, ouais. Parce qu'il a un chien qui est chien guide, mais il est encore trop jeune, il n'a pas l'âge de la retraite encore. D'accord. Okay. Mais alors, dans l'ordre, en fait, c'est d'abord la personne déficiente visuelle, bien sûr, qui va être prioritaire. Si elle peut garder chien, hein, c'est pas toujours possible, malheureusement. Alors, on entend des fois des personnes qui nous disent « Oui, mais la personne, c'est pas normal, elle abandonne son chien. » Non, elle l'abandonne pas, c'est un crève-cœur, mais ils n'ont pas tous la possibilité de garder leur chien. Surtout s'ils en ont un autre derrière. Donc c'est d'abord la personne déficiente visuelle. Si la famille d'accueil est OK, éventuellement elle peut l'adopter. Alors c'est très rare, hein, parce que c'est souvent 8 ans après, en fin de compte, hein, exact. Après le passage en famille d'accueil. Mais si la personne ne veut pas ou ne peut pas adopter son chien, dans ce cas-là, elle peut proposer à de la famille ou à des amis d'adopter le chien. Éventuellement, et s'il n'y a aucune possibilité, nous on a des personnes qui nous ont contactés en nous disant bah voilà, nous on aimerait bien adopter un chien guide d'aveugle retraité. Donc on peut appeler ces personnes-là aussi. D'accord. C'est très frustrant parce qu'on arrive à la fin de cette émission, ça passe à une vitesse, c'est incroyable. Je vous remercie encore, hein, Dominique et Renaud. Franchement, c'est très sympa d'être venu. Bah, merci. J'ai encore plein de questions à vous poser, mais je me demande si on ne fera pas une autre émission. Je vais vous redonner la parole, Dominique, pour parler un peu, je me suis donné 2-3 minutes, pour parler un peu de l'association Avoipi, et puis vos besoins. Je crois qu'on m'avait parlé de famille d'accueil, vous êtes en manque de famille d'accueil, non? Ou de, comme vous disiez, familles qui peuvent reprendre un chien à la retraite, ou parlez-moi un peu de vous. Alors l'association, donc effectivement, nous on est basé à Voipy, alors on a toujours besoin de familles d'accueil, on va dire on n'en a jamais assez. On n'est pas en pénurie, mais en tout cas on a toujours besoin de familles d'accueil, ça c'est sûr. Les conditions pour être famille d'accueil, il faut avoir du temps pour s'occuper du chien. Ça veut dire que pour les personnes qui travaillent, nous, il ne faut pas que le chien reste plus de 2 heures à la maison, seul. Donc pour les personnes qui travaillent, il faut qu'elles puissent l'emmener avec elles au travail. Ce qui est le cas d'ailleurs de Renaud et de sa femme. Exactement, oui. Il faut être à moins d'une heure de route de l'association. Parce qu'il y a quand même des trajets à faire régulièrement. Comme disait Renaud tout à l'heure, on voit les familles d'accueil une fois par semaine. Donc il faut aussi qu'elles puissent se libérer du temps pour faire les suivis du chiot. Ça va durer 1h30, 2 heures. À peu près, c'est pendant nos horaires de travail. On ne travaille pas le week-end, on ne travaille pas le soir. Donc, il faut vraiment des personnes qui soient disponibles, motivées pour ça. Il faut avoir une conscience aussi d'une chose, c'est qu'à la fin, il faut le rendre. Oui. Ah, voilà. Et ça, c'est pas forcément simple. Vous pouvez laisser une adresse puis un numéro de téléphone pour conclure. Alors, les chiens guides, nous, on est basé à Voipy. Donc, on est au 10 avenue de Thionville à Voipy. Le numéro de téléphone, alors de mémoire, c'est le 03 87 33 14 36. Très bien. Bah écoutez, j'espère qu'il y a des bénévoles qui vont vous téléphoner et s'inscrire. Et sinon, attendant... notre site internet, pardon, oui. Si les gens sont intéressés, c'est Chien Guide de l'Est. C'est Chien Guide de l'Est. J'ai vu le... Ils trouveront facilement. Oui, je pense, oui. En tout cas, je remercie encore d'avoir participé à cette émission. Pour ma part, Papy José vous retrouvera dans un mois pour une nouvelle émission de « Il y a des choses à se dire ».